الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار On continue بإذن الله عز وجل وبعونه سبحانه l'explication du livre أعلم سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. La semaine dernière, on a parlé du cours concernant ce qu'on appelait Al-Istisqa bil-Anwa. Donc c'était la demande depuis par les astres, par les étoiles. Donc on a expliqué, à partir de cette question, tout ce qui est entré dedans comme Masa'il. Aujourd'hui, ça va être la question donc, numéro 184. Et le Cheikh également ici, à cette question-là, comme à ce qui a précédé, il va nous parler de ce qui va à l'encontre du Tawhid. Donc, qui va à l'encontre de ce tawhid, yunaqidhu. Et ici, il va nous parler donc d'une chose que l'on va traduire par la mauvaise augure, ou que l'on peut traduire également par la superstition. À la kulli hal, on va détailler. Et dans cette question en numéro 184, il nous dit le shir, rahimallah, ma hukmu at-tiyara, at-tiyara bit-ta. Donc quel est le statut de ce qu'on appelle le mauvais augure, de ce qu'on appelle le mauvais présage, de ce qu'on appelle également ce qui peut rentrer dedans, que l'on peut traduire par ces termes en français, par la superstition. Et qu'est-ce qui fait partir cela si la personne est atteinte? Et bien entendu, ça va revenir il al-qalb, ça va revenir au cœur de la personne. Ça, c'est quelque chose qui va intervenir dans son cœur. Taïb. Donc, comment, si elle est moussab, si elle est atteinte de cette maladie, ayadan billah, comment elle va faire partir cette chose-là? C'est ce qu'a voulu poser comme question le cheikh lorsqu'il a dit, wama yudhibwa. Qu'est-ce qui fait donc partir? Qu'est-ce qui va faire dissiper ce qui peut atteindre donc la personne et qui va entrer dans cela, comme la superstition et autres? À la kulli hal, le shir va nous répondre par un verset du Coran, dans un premier temps, comme à son habitude, et ensuite, bien entendu, par des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir donc que la tuyara, il y a donc à l'intérieur de cela, نوع من أنواع الشرك. نوع من أنواع الشرك. C'est donc une partie, parmi les parties du shirk, ou parmi les formes que prennent le shirk. Et ici, comme l'ont rappelé beaucoup de savants, At-tuyara yunafi kamal at-tawhid al-wajib. Donc il va en réalité à la rencontre de la perfection du tawhid, celui qui est obligatoire. Kamal at-tawhid al-wajib. Donc il va aller à l'encontre de cela. Idhan yunqis at-tawhid. Tawhid al-insan. Donc il va diminuer, il va affaiblir donc le tawhid de la personne, celle qui va être atteinte de cela. At-tiyara bi-ta, at-tiyaratu. On dit également at-tatayyur. On dit également at-tatayyur, qui vient donc du verbe tatayyara, qui vient donc du verbe tatayyara. Ce verbe-là et ce nom, ils reviennent en réalité à ce qu'on appelle at-tayr, c'est-à-dire donc l'oiseau. Et pourquoi en fait ce terme il a été utilisé? Il revient donc à l'oiseau, ce terme qu'il utilisait dans la langue arabe, tout simplement parce que les gens de la Jahiliya, les gens qui vivaient donc avant l'avènement d'Islam, eux, ils avaient et ils portaient des mauvais présages, ils avaient de la superstition par rapport donc aux oiseaux. Enam, minisbati at-tuyur, donc les oiseaux. Et comment cela? Simplement lorsqu'ils voyaient donc l'envol de ces oiseaux qui allaient dans une direction bien précise, c'était pour un mauvais présage. Et qu'est-ce qu'ils allaient donc faire lorsqu'ils voyaient que les oiseaux se dirigeaient dans une direction bien précise et que cet envol-là était pour eux un mauvais présage? Ils allaient donc délaisser ce qu'ils voulaient faire. Si par exemple, ils allaient partir en voyage, ils délaissaient le voyage. S'ils voulaient faire autre chose, n'importe quel acte, ils délaissaient donc cet acte-là. Pourquoi? Par mauvais présage. C'est pour ça donc que eux, ils avaient kanayatasha amun, c'est-à-dire donc ils faisaient acte de superstition et de mauvais présage avec les oiseaux. C'est pour ça donc qu'on reprend ce terme, que ce terme donc il a été repris au niveau du shara et au niveau des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au niveau du Qur'an, et qui va donc revenir à cet as, at-tayr, que ce soit at-tayr, que ce soit at-tayra, que ce soit tatayur, ou le verbe tatayyara, tout revient donc à cela. Et on comprend donc ici la relation qu'il y a entre donc ce terme au niveau de la langue arabe et ensuite comment il a été compris au niveau du shara. Et donc si on donnait une définition par rapport donc à at-tayra, comme ce que le chien nous a cité, ma hukm at-tayra, donc quel est le statut de ce mauvais présage, ils disent les savants at-tasha'um bil ashiya, c'est donc être pessimiste par rapport à certaines choses. Wa irtiqad, donc il y a également ici une croyance, wa irtiqad annahu yusibu al-insan minha shay'un min ash-shar, c'est-à-dire donc qu'il va avoir la croyance que cette chose là qu'ils ont vue et qui était pour un mauvais présage va toucher la personne d'un mal si par exemple il continue à faire un acte ou quoi que ce soit. Tayyib, c'est ça en réalité. On comprend pourquoi on traduit donc par mauvais présage, mauvais augure, on traduit par superstition. Des choses qui sont présentes dans la vie courante et parmi les gens. Si maintenant on regarde comme en France, on va s'apercevoir que la superstition elle existe et que les gens, même dans leur habitude, ils ont cela. Par exemple, le fait de voir un chat noir, le fait de passer dessous une échelle, etc. Tout ce qui va rentrer donc, qui va rentrer exactement dans cela. Tayyara. Ils vont dire donc si tu fais ces actes, si tu as vu un chat noir, automatiquement il va t'arriver, c'est pas bon, c'est mieux que tu rentres chez toi, il va t'arriver sinon une mauvaise chose. Ou alors le fait d'avoir passé dessous une échelle, il va t'arriver quelque chose ensuite, etc. Taïeb. Donc c'est des choses qui sont courantes dans la vie de tous les jours et qui sont importantes donc chez les gens de la Jahiliya, qui sont également présentes non seulement chez les koufars mais également malheureusement chez beaucoup de musulmans, soit par leur ignorance ou soit par le peu du tawhid qu'ils ont acquis. Ala kulli hal. Le cheikh va nous citer un verset ici du Coran par rapport à sa réponse. Bien entendu, il va falloir expliquer et savoir pourquoi il nous a donné ce verset. Le verset c'est le suivant, ou la partie qu'il nous a donné le cheikh. Ala innama ta'iruhum 'indallah. Ala innama ta'iruhum 'indallah. Wa hadha huwa shahid. Le cheikh va donc du verset, il va nous rappeler donc le témoin argumentatif directement pour qu'on comprenne ensuite qu'est-ce qui va être voulu. Ce verset c'est sourate Al-A'raf, il serait bien de le citer en entier pour comprendre un peu plus pourquoi ce verset est descendu et comment on va le comprendre. Le verset donc il commence comme cela: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِي قَالُوا لَنَا هَذِي. Ça c'est par rapport au peuple de Pharaon, par rapport au peuple de Pharaon, qui eux en réalité tatayyaru bi Moussa, c'est qu'ils ont fait en fait acte de mauvais augure, de mauvais présage par rapport à qui? Par rapport au prophète Moïse, iyadan billah. Alors que un prophète qui va venir dans une communauté, bien entendu hadi bushra bishara, c'est bien entendu une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça va être une source d'apprentissage et de pouvoir donc revenir à Allah Azzawajal en suivant les enseignements qui vont être donnés par ce prophète et par le wahi qui descend sur lui, la révélation. Eux le contraire, de par leur kufr et de par leur takvib, donc de par leur mécréance et le fait qu'ils ont démenti les versets, les signes d'Allah du Très-Haut, ils sont tombés donc dans cela. Fi at-tayra, fi at-tayur. Et ils ont pris ici Moïse comme mauvais présage de sa venue. Ayyadan billah. Fa idha ja'atkum al-hasanatu qalu lana hadhi. Et quand le bien leur vint, ils dirent cela nous est dû. Ici, al-hasana, elle a une acceptation qui est au niveau donc ici du verset, qui est plus grand, qui est plus général. C'est en réalité, il va rentrer dedans al-hasanatu al-arzaq wa nuzul al-amtar et les biens. C'est-à-dire donc la pourvoyance, la descente de la pluie, etc. Tout ce que donc ils vont recevoir comme bienfait de la part d'Allah Azzawajal. Ça c'est le maqsoud bi al-hasana ici. فَإِذَا جَاءَتْكُمُ الْحَسَنَةُ. Donc si ces bienfaits leur viennent, la descente de la pluie, un bon risque qui leur vient, etc. Qu'est-ce qu'il dit ? قَالُوا لَنَا هَذِي. Qu'est-ce que ça veut dire ? قَالُوا لَنَا هَذِي. لَنَا, c'est tout simplement cela nous est dû. C'est-à-dire que c'est grâce à nos actes. Nous méritons cela de par ce que nous avons fait. Nous le méritons parce qu'on a fait ce qu'on a fait par rapport à nos actes, etc. Donc on voit ici qu'il y a une ingratitude, qui ne reconnaissent pas que c'était la grâce d'Allah Azzawajal. Donc si un bien leur vient, ils disent donc c'est grâce à ce qu'ils ont fait eux. Subhanallah. وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. Par contre le contraire, s'ils sont atteints d'un mal, وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ. Ici bien entendu سَيِّئَةٌ c'est le contraire de l'hasana. Et سَيِّئَةٌ ici, c'est bien entendu le contraire de ce qui était compris par le terme al-hasana. Donc tout simplement, s'il leur vient par exemple sécheresse, s'il leur vient des épreuves, etc. Donc des méfaits. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ou quel va être donc leur acte pour répondre à ce qu'Allah Azzawajal qaddara, à ce qu'Allah Azzawajal leur a prédestiné ? Yatatayyaru bi Musa wa man ma'a. Donc on voit ici le verbe qui est utilisé. Yatatayyaru, donc de at-tatayyur. Donc ici c'est le verbe qui revient donc au terme tayyara. Tayyib yatatayyaru bi Musa wa man ma'a. Donc ils vont prendre comme mauvais augure, comme mauvais présage Moïse. C'est-à-dire tout simplement ils vont dire c'est de par la venue de Moïse et ceux qui sont avec eux qui nous est arrivé cela. Donc ça c'est un mauvais présage ces gens-là. Ayadan billah. Alors comme on l'a dit bien au contraire, un prophète il vient avec al-bishara bien entendu pour les croyants. Et donc ils le mettent, tout ce qui leur est arrivé, ils le mettaient sur le compte du mauvais présage qui pour eux se manifestait en Moïse. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a radda alayhim ensuite. Il leur a donc réfuté cette croyance. Et il leur a dit, et c'est ce que la partie que nous a cité le shir, et qui est donc valable ici le verset, pour répondre à ce peuple, mais pour répondre à tous ceux qui vont tomber dans quoi ? Dans la superstition, tous ceux qui vont tomber dans cet acte de mauvais présage. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal l'a dit donc ala innama ta'iruhum 'indallah. En vérité leur sort dépend uniquement d'Allah. Walakin aktharuhum la ya'lamun. La ya'lamun. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il va traduire qu'est-ce que veut dire ce terme ici ta'iruhum. C'est en réalité ma qada alayhim wa qaddara lahum aw qaddara lahum ma qada, yani Allah alayhim wa qaddara lahum. C'est ce qui leur a été appliqué et prédestiné. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a appliqué donc de par sa justice. Et l'a prédestiné, tout ce qu'il a prédestiné par rapport donc à ce peuple ou par rapport aux gens de façon générale. Donc la personne, on va comprendre donc ce verset, cette réfutation qu'a fait Allah Azza wa Jalla à leur croyance et à tous ceux qui vont tomber donc dedans. C'est qu'en réalité tout ce qui va arriver c'est de la part d'Allah Azzawajal. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala qaddara lak, ce qu'Allah Azzawajal t'a prédestiné et ce qui va donc automatiquement t'arriver, tu ne peux le fuir. In'am. Et ce qu'il ne t'a pas prédestiné automatiquement, cela ne t'arrivera pas. Ça c'est la croyance du musulman, ça c'est la croyance du véritable croyant. On va comprendre et de manière claire que la personne ne s'en remet à Allah Azzawajal dans toutes ces choses et qu'elle ne tient absolument pas compte et que cela ne doit effleurer son cœur lorsque elle va voir des choses qui sont fi adat an-nas, c'est-à-dire dans les habitudes des gens et dans les croyances des gens qui sont considérées comme des superstitions, qui sont considérées donc comme des mauvais augures. Elle doit donc s'en écarter. Et si elle est atteinte de cela, on va voir ce que le shir va nous rapportés comme athar et qui vont être en réalité la clé de pouvoir donc se guérir de cette maladie, car c'est une maladie du cœur si la personne en est atteinte. Et donc, at-tatayyur, c'est bel et bien donc une habitude qui date donc de al-jahiliya, des gens de la jahiliya, des premiers, des peuples comme Moïse, etc., et qui a continué, qui continuera jusqu'au jour du jugement. Donc c'est pour ça que l'islam, abtala, c'est pour ça que l'islam, elle est venue avec le Coran et avec la sunna du prophète, elle a rendu vain ceci. Et elle a démontré, à travers les versets et les hadiths, va bel et bien au contraire du tawhid. Ensuite, le shir, rahimallah, après nous avoir cité un verset du Coran, il va nous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans leur authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul: la adwa wa la tiyarata wa la hammata wa la safar. Et que l'on traduit donc par cela: pas de contagion ni de mauvais augure, wa la hamma wa la safar. On va traduire ces mots et on va les expliquer un par un pour comprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici yanfi, ce qu'il va en réalité renier par rapport au char. Et quand on dit renier, c'est donc qu'ils n'ont aucune valeur par rapport à, qu'ils ne sont pas pris en compte par rapport à la religion et par rapport donc à notre croyance, parce que tout cela va en réalité rentrer dans ce qui est propre à la croyance du monothéiste, du véritable monothéiste, la adwa. La adwa donc on a traduit par contagion, qui en réalité min al-i'da. Donc, quand intiqal al-marad fi shakhs ila shakhs, ou min bahimati ila bahimati, ou min makan ila makan. C'est tout simplement donc la transmission d'une maladie, d'une personne à une personne, ou alors d'un animal à un animal, ou alors d'un endroit à un autre endroit. Hada wa l'intiqal al-marad. Donc, c'est le fait que la maladie donc se transmette et donc se déplace. Al-adwa. Donc, la contagion. Maintenant, on va se poser une question. On va dire comment le prophète sallam il a yanfiada, alors que c'est une chose qui est connue, c'est-à-dire que la contagion, quelqu'un qui va être contaminé donc par une maladie, donc par une autre personne, c'est quelque chose qui est reconnu et qui est reconnu non seulement fil waqir mais également fil shara, qui est reconnu également dans la législation, en revenant à d'autres hadiths du prophète sallam qu'on va citer maintenant. Donc à partir de là, il va falloir comprendre qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu par le terme ici la adwa. Par rapport aux hadiths qui vont donc nous prouver que la contagion elle est bel et bien prise en compte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, lorsqu'il a parlé de la peste, yaqul man sami'a bihi fi ardin fala yaqdim alayh. Celui donc qui va entendre qu'il y a une peste ou la peste dans un endroit ou dans une terre, alors qu'il n'y s'y présente pas, il ne se présente pas donc dans cette terre. Donc ici, automatiquement, on sait que c'est afin qu'il ne soit pas contaminé. Et donc, ce qui est pris en compte ici, reconnu donc par le char, c'est bel et bien la contagion. Également, dans une des versions plus longues du hadith qui nous a été rapporté, qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari, il dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fir min al-majdoum kama tafirru min al-asad. C'est-à-dire donc, fuis du lépreux comme tu vas fuir du lion, lorsque tu vas voir un lion. Fuis de la même chose lorsque tu vas voir al-majzoum, donc celui qui est le lépreux. Al-majzoum, celui qui est atteint de la lèpre. Donc également ici, quelle est la hikma fi dhalik? Pour qu'il ne soit pas contaminé. Taïb, donc il y a bien également ici la contagion. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par le Mahmed et d'autres encore, et qui est un hadith authentique, يقول لا يورد ممرض على مصيح. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas une personne qui est malade auprès d'une personne, on nous présente une personne qui est malade auprès d'une personne qui est elle saine, qui est elle en bon état. Tous ces hadiths authentiques, ils vont donc nous prouver que la contagion elle est bien prise en compte au niveau de la religion, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là, il nous a donné un remède, et qui est tout simplement de nous en écarter, de nous écarter donc de la personne qui va être malade, une maladie contagieuse comme la lèpre, etc., tout ce qui était cité dans les hadiths précédents. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit la adwa, on va tout simplement comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a protégé le tawhid de tout ce qui peut l'unir et de tout ce qui peut aller en son encontre, que ce soit des grandes choses, que ce soit de petites choses, que ce soit les choses qui sont cachées, khafiyah, ou que ce soit les choses qui sont apparentes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours mis en garde contre cela, car c'est asl risalati, c'est en vérité, c'est la base de ça, de son message, l'appel aux gens ou appeler les gens au tawhid, comme ça a été le message et comme ça a été la da'wah, le prêche de tous ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes et les envoyés. Ici la adwa, il a voulu par ça ou par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce n'est pas la maladie en elle-même qui va se déplacer et qui va elle donc avoir une influence directe sur la personne, mais c'est bel et bien Allah subhanahu wa ta'ala alladhi qaddara kulli shay, c'est Allah azza wa jal, celui qui a prédestiné toute chose, celui qui a mis en place toute chose, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui va faire que toi tu vas être malade, qui va faire que toi tu vas être sain. Donc si maintenant tu t'approchais d'une personne qui était en état de maladie, une maladie qui est contagieuse, peut-être que tu ne vas pas te atteint. Et là, combien de fois des personnes qui entrent en contact avec ce genre de personnes et qui ont ce genre de maladie, ils n'ont aucune, ils ne sont influencés. Ce qui prouve donc que ce n'est pas la maladie en elle-même qui va te rendre malade, mais c'est bien et bien Allah Azzawajal qui a mis le sabab fi hadha, qui a mis donc la cause dans cela. Et donc, comme il a mis la cause, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est descendu. Lorsqu'il est descendu toute maladie, il est descendu également son remède. Et donc, il a, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, et comme nous l'a indiqué le prophète sallam, il nous a indiqué le remède de s'en écarter. Taïb, donc ici, c'est un remède. Mais la personne, même si elle prend le remède, il se peut qu'elle ne guérisse pas. Il se peut qu'Allah azzawajal fasse qu'il reste donc malade. Donc, tout cela revient à Allah azzawajal. C'est la croyance que l'on doit avoir. Et non pas donc s'en remettre au asbab, pas s'en remettre donc aux causes, mais s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui a été voulu donc ici dans cette partie du hadith, lorsque le prophète sallam yen fait l'adwa, c'est-à-dire lorsque le prophète sallam il nie la contagion. C'est donc dans ce sens. Ensuite, wala tuyarata, wala wa shahid, par rapport donc à notre question, celle que l'on traite. Wala tuyarata, c'est-à-dire qu'il n'y a pas également de mauvaise augure. La mauvaise augure n'existe pas en islam. Wala batil. Et la personne n'a pas le droit, le monothéiste, et celui qui veut donc concrétiser son tawhid de manière parfaite, il n'a pas le droit donc de tomber dans ces pièges du shaitan. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est bel et bien le shaitan. C'est le shaitan qui vient avec son waswas, qui vient donc jeter dans le cœur des gens ces maladies-là. Comme la maladie donc de la mauvaise augure. Le fait de voir quelque chose qui va être pour la personne de mauvaise augure. Et à partir de là, elle va s'arrêter de faire l'acte qu'elle voulait faire. Ou elle va rentrer chez elle, etc. Ça, c'est le shaitan. Et donc ici, At-Tuyara, c'est bel et bien donc une maladie qui vient dans le cœur et dont la source c'est le djab, qui veut par là combattre le croyant et le faire tomber dans le shirk, que ce soit dans le grand ou que ce soit dans le petit, que ce soit dans le zahir ou que ce soit dans le khafi, que ce soit celui qui est apparent ou que celui qui est dissimulé, caché. Wala hammata, wala hammata, al hammata. Qu'est-ce que veut dire ce terme? Comme nous l'ont précisé beaucoup de savants, c'est un oiseau que l'on appelle el-bouma, que l'on appelle en fait l'ibou, el-bouma. Il porte également donc ce nom. Et c'est ce qui est voulu ici par le hadith du prophète Sam, comme nous l'expliquait beaucoup de savants. Wala ham. Et en réalité, ça va rentrer également dans le mauvais présage. C'est-à-dire que le prophète Sam, après l'avoir cité de façon générale, wala tuyara, il va nous donner également des images ou des formes de cette mauvaise augure. Et ici, qui va se traduire par le fait que l'on voit un ibou. Naam, des gens, lorsqu'ils voyaient un ibou, qui se posait sur leur maison, et ça c'était connu chez les gens de la Jahiliya, lorsqu'un hibou venait se poser donc sur leur maison, c'était pour eux un mauvais présage, un mauvais augure. Automatiquement, ils avaient la croyance qu'il allait arriver quelque chose qui allait nuire aux gens de cette maison. Ils avaient donc un mauvais présage par rapport à cela, par rapport à l'hibou. C'est pour ça que le prophète sallam nafa. Le prophète sallam a bien entendu abtala wa nafa. Donc il a renié que cela est une influence par rapport donc par rapport à l'kaoul ou par rapport à shara. Ensuite, le prophète sallam yaqul wala safar, wala safar, wala safar. Ici safar, les savants ils ont divergé en deux paroles pour ce qui est de safar. Certains ont dit que c'est tout simplement le mois, comme vous savez le mois, il y a un mois parmi les mois arabes qui s'appelle le mois de safar, et ils ont dit ici c'est le maqsoud. Pourquoi? Parce que également ici on va rentrer dans la mauvaise augure, et dans la superstition. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens de la Jahiliya, lorsque venait le mois de Safar, ils prenaient ce mois en réalité comme une mauvaise augure. Et ils étaient superstitieux par rapport à ce mois. Dès qu'ils venaient ce mois, ils ne voyageaient pas durant ce mois. Certains ne faisaient pas de commerce et ils ne se mariaient pas durant ce mois. Donc le prophète se sent également ici abtala, c'est-à-dire qu'il a nié et il a rendu vain cette croyance. Et que Safar c'est un mois parmi tous les mois d'Allah Azzawajal. Et d'autres ont dit que c'est une maladie, soit que l'on traduit par la jaunisse, une maladie qui marad yakun fil ma'ida. On comprend que croyance des gens, de ceux qui automatiquement auraient cette maladie, c'est qu'elle serait, elle contaminerait directement la personne, automatiquement. Donc ça reviendrait ici également à ce qui était cité auparavant, la adwa. Par contre, si c'était par rapport au mois de Safar, ça reviendrait bien entendu à At-Tayara, ce qui est plus précis dans ce qui va rentrer dans la superstition. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a renié tout cela. Il a renié donc tout cela. Et également dans une autre version que le shir n'a pas citée, une version qui est un peu plus longue, qui reprend donc ces termes, Yazid, et qui est une version auprès de l'imam muslim, et que l'on cite également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, wala nau, wala nau. Et on sait, qu'est-ce que al-nau? Al-nau, c'est tout simplement le singulier de al-anwa. Et on a vu la semaine dernière qu'est-ce que c'était al-istisqa ou bil-anwa. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici également, il va renier cela, ce qui va donc à l'encontre du tawhid. Wala roule, wala roule. Ça c'est la dernière chose parmi les six choses qui ont été citées, donc les deux choses qui sont en supplément dans une des versions de l'imam muslim, dans son authentique. Wala roule. Et roule en fait, que l'on traduit, certains ils le traduisent par ogre. Mais en réalité, comme vont nous expliquer les savants, elle roule, c'est une des catégories des shayatines ou des djinns. Une des catégories des shayatines ou des djinns qui prend donc différentes formes. Comme le disent beaucoup de savants, tatachaka la même nas fil falawat. C'est-à-dire dans les endroits qui sont déserts, ils prennent des formes devant les gens pour leur faire peur, pour leur faire dévier de leur chemin, etc. Ça peut également prendre d'autres formes, c'est-à-dire des formes comme si on verrait par exemple un feu qui bouge devant nous, etc. Donc ils prennent plusieurs formes, ces djinns, ces shayatins, et dont la personne peut voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, abtala, il ne peut avoir aucune influence par rapport à l'homme. Donc le fait de le faire dévier de sa voie, etc. Et c'est pour ça que dans un autre hadith, que l'on va citer simplement pour comprendre, mais ce hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmad, ou An-Nasa'i et d'autres encore, qui est un hadith de Jabir, mais qui n'est pas authentifié par beaucoup de savants, qui est rendu faible, et qui est le suivant, إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان, يعني الذكر. C'est-à-dire donc, si on aperçoit ce genre de choses, alors فبادروا بالأذان. C'est-à-dire donc, empressez-vous donc de faire du, ici, المقصود بالأذان, empressez-vous de faire du dhikr. Empressez-vous donc du rappel d'Allah Azzawajal. Du rappel d'Allah Azzawajal. Et donc dans ce sens, les gens de la Jahiliya, pour ce qui était de le rôle, ils disaient que lorsqu'ils voyaient cela, automatiquement ça va leur apporter malheur. Ça va leur apporter également malheur. Donc on voit ici également que ça va rentrer dans le mauvais présage. Ça va rentrer également dans le mauvais présage. Que la personne ne doit pas dévier de son chemin et ne doit pas penser que cela va avoir un mauvais présage. Car tout revient à taqdir Allah, tout revient donc à ce qu'Allah Azzawajal l'a prédestiné. Donc également, c'est les deux choses qui sont citées en plus que l'on cite dans la version de l'imam muslim. Ensuite, le shir va nous citer également notre hadith. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, at-tayaratu shirkun, at-tayaratu shirkun. Qala ibn Mas'ud, wa ma minna illa walakinna Allah yudhibu bit-tawakkul. Donc dans ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de manière explicite et claire que le mauvais présage, que la superstition, ça fait bel et bien partie du shirk. C'est bel et bien une forme de shirk. Lorsqu'il nous dit at-tayaratu shirkun, at-tayaratu shirkun, dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, والإمام البخاري في الأدب في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي et d'autres encore. Et ici le remède qui nous est donc cité, ولكن الله يذهبه بالتوكل, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il fait partir cela, si donc la personne est atteinte de cela comme on l'a dit, quel va être donc le remède? Et c'est ce qu'on a dit. Et donc il répond à sa question le shir, وما يذهبه, et qu'est-ce qui donc le dissipe et le fait partir, c'est at-tawakkul. At-tawakkul ala Allah. Enam. C'est at-tawakkul ala Allah. C'est donc s'en remettre pleinement à Allah Azzawajal. Avoir un tawakkul qui est fort. Ça va nous permettre d'annuler ces choses-là. Si la personne est atteinte de cela dans son cœur, mauvais présages, superstitions, le seul remède pour combattre cela, c'est at-tawakkul, comme il nous est précisé ici, par Ibn Mas'ud. Ala kulli hal. Lorsqu'on a parlé également du tawakkul, et ça on le rappelle donc simplement à titre de complément, par rapport aux maladies. Par exemple, si il y a une maslaha, rajiha, si par exemple il y a donc un intérêt qui va être prédominant, maslahatun rajiha, et que la personne doit se présenter devant un malade, auprès d'un malade, ou alors qu'elle doit aller dans un endroit où il se trouve par exemple une maladie contagieuse et dangereuse, etc. S'il y a une maslaha rajiha, alors la personne elle y va. Wa yatawakkal ala Allah. Et donc il fait un acte de tawakkul. Et il sait qu'Allah Azzajal, c'est lui qui soit le rendra malade ou soit l'épargnera de cette maladie. Ça revient à Allah Azzajal. C'est pour ça donc que les savants ils disent, s'il y a une maslaha de la présence de cette personne à cet endroit ou auprès de ces gens, alors la personne elle y va. Et ça ne va pas en contradiction avec les autres hadiths où le prophète sallam nous a dit de nous en écarter. Par contre, si la personne, il n'y a aucun intérêt qu'elle soit présente ou que ce soit, alors ce qui est voulu pour elle et ce qui est préférable, on revient donc aux autres hadiths, que la personne donc s'en éloigne. Également un autre hadith, il va nous citer d'autres hadiths, le shir, haïmullah, des hadiths, certains hadiths qui sont ba'if, comme celui-là, innama at-tiyaratu ma'amdaka awraddak. Ça c'est un hadith qui est ba'if, rapporté par l'imam Ahmed, et donc ba'af ou l'imam Ahmed Shakir, et d'autres savants encore. Également un hadith qui va nous citer le shir Wali Ahmed min hadith Abdullah ibn Amr man radatu at-tiyaratu an hajati faqad ashrak qalu fama kaffaratu dhalik qalu an taqul Allahumma la khayra illa khayruk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. Donc ici il va nous dire le shir dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui est un hadith de Abdullah ibn Amr qui lui hadith authentique, qui est rapporté également par d'autres savants. Dans ce hadith, qui est le suivant, quiconque repousse l'affaire qui le concerne à cause du mauvais augure aura donc fait acte d'associationnisme. Il aura associé à Allah Azzawajal. Donc les compagnons demandèrent quelle est l'expression de cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre. C'est de dire, ô Allah, point de bien sinon ton bien, point d'augure sinon le tien, et point de divinité en dehors de toi. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous indiquer quel est al-kaffara. Si la personne, par exemple, elle tombe dans cela, elle tombe donc dans cette superstition, dans ce mauvais présage, alors, pour qu'elle expie cela, et pour qu'elle combatte cela, et pour que cela lui aide donc à acquérir ce tawakkul, il dit cette dua. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Allahumma la khaira illa khairuk. وَلَا طَيْرَ إِلَا طَيْرُكْ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكْ. Donc ô Seigneur, il n'y a pas de bien sauf ton bien. Il n'y a pas de superstition sauf ce que tu as prédestiné. Il n'y a pas d'autre divinité que toi. Donc Allah, point de bien sinon ton bien. Et point donc d'augure. On traduit ici par augure. Point d'augure sinon le tien. C'est-à-dire ce que tu as prédestiné. Que tu nous as donc prédestiné. Et point de divinité en dehors de toi. Point donc de divinité méritant l'adoration dehors de toi. Donc c'est cette dua. Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk, wa la ilaha ghayruk. Tayyib, donc cette dua que l'on apprend, et que si la personne elle tombe dans cela et que le shaytan waswasa alayh, elle dit cette dua pour s'en protéger, et si elle est tombée dedans également, que ce soit une kaffara, expiation pour lui. Et ensuite l'autre hadith qu'il va citer, le shir, c'est un hadith qui est ba'if, qui n'est pas authentique, rapporté par Abu Dawud et d'autres, qu'on ne va pas citer. Mais on va citer pour cette question-là autre chose. Il y a un autre hadith, ou un ou deux hadiths en plus, pour nous faire comprendre également deux ou trois questions complémentaires par rapport à ce qui est de la superstition. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Anas, dans le hadith il est cité, le hadith ba'if il est cité, Asdaq wa al-fa'l. Donc c'est une partie du hadith qui va être authentique de par sa ma'na, de par donc sa signification. On va retrouver donc dans le hadith de l'imam al-Bukhari, le hadith Anas. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yu'jibuni al-fa'l. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dénié, renié, est rendu faux, la mauvaise augure, il va nous dire « وَيُعْجِبُنِ الْفَأْلِ الْفَأْلِ قَالُوا وَمَا الْفَأْلِ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ » Qu'est-ce que veut dire cette parole? Le prophète sallam yaqul wa yu'jibuni al-fa'l, c'est-à-dire qu'il me plaît ce qu'on va appeler le fa'l. Qu'est-ce que ce terme al-fa'l, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est en réalité ta'mil al-khair. C'est ce qu'on va espérer. L'espoir qu'on va avoir et avoir donc espérance d'un bien. Et le prophète sallam il a répondu ici al-kalimatu tayyiba, c'est-à-dire la bonne parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se peut que la personne elle entreprend donc un acte. Elle l'accomplit. Et il se peut donc qu'elle entende une bonne parole au moment donc où elle fait cet acte. Et cela va lui ouvrir le cœur. Et va lui donner la bonne humeur. Et va lui laisser espérer bien et bonheur. Et donc dans ce sens, c'est ce qu'on appelle le fal. C'est en réalité l'optimisme. Qu'on pourrait donc traduire par également ici l'optimisme. C'est une sorte d'optimisme. On va être optimiste par rapport à quoi? À ce qu'on va entendre. Également, comme le répètent beaucoup de savants, ils nous disent par rapport à peut-être ce qu'on va voir. Un bel endroit qu'on a vu, ou alors une belle odeur qu'on va sentir, ou etc. Ce qui va en faire été yashrah sadrana, c'est-à-dire qui va nous ouvrir notre cœur, taïb, qui va avoir en réalité une influence par rapport à nous, dans le sens où on va être optimiste, et on va avoir donc bonne humeur, etc. Donc en réalité ici, ça va rentrer dans ce qu'on appelle chosn van billah, c'est avoir donc le meilleur des avis envers Allah Azzawajal, et qu'on espère donc de lui le bien, qu'on a entendu de par ce terme-là. Et comme nous l'expliquaient également certains savants, comme l'imam Abdurrahman ibn Hassan, l'auteur de Fath al-Majid, qui cherche Kitab al-Tawhid, il dit également, la personne lorsqu'elle est malade, et qu'elle entend le nom par exemple Salim, qui en réalité veut dire celui qui est en bon état, etc., qui est sain. Et bien, yatafahal bi hadhihi al-kalima, c'est-à-dire qu'il est optimiste du fait qu'il a entendu cette parole. Wa yuhsinu dhanna billah. Et donc, il espère en Allah Azza wa Jal. De même, la personne qui a perdu par exemple une chose et qui entend le nom qu'on appelle d'une personne, qui s'appelle par exemple Wajid, personne qui trouve Taïb. Donc c'est dans ce sens ici que le prophète sallallahu et qui ne rentre pas en réalité dans ce qui est la mauvaise augure. Pourquoi? Parce que la mauvaise augure, contrairement à ce qu'on appelle le fa'l ou ta'mil al-khair, c'est su'adhan billah. C'est au contraire, at-tiyara, mauvaise augure, ça va nous faire rentrer dans su'adhan billah. C'est-à-dire qu'on va avoir un mauvais avis par rapport à Allah Azza wa Jal. Inam, su'adhan. Contrairement à Al-Fa'al, qui est en réalité Husn al-Dhan. Et c'est pour ça que lui-même il dit, c'est-à-dire Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, Sahib Kitab Fath al-Majid, il dit Amma al-Fa'al, walladhi kana yuhibbu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fafihi nu'u bishara, fayasurruhu bil-abdu, wala ya'tamidu alayhi, bi khilafi ma yumbihi aw yarud, fa'inna al-qalba alayhi. C'est-à-dire que le shir va nous faire bien comprendre la différence qu'il y a entre le fa'l et autre. Il va nous dire le fa'l et celui ce qu'aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en réalité nu' bishara, c'est en réalité une sorte de bonne nouvelle que l'on va entendre. Et de par cette bonne nouvelle que l'on va entendre, la personne elle devient joyeuse. C'est-à-dire donc qu'il va lui rendre joyeuse. Voilà yartamid alayh. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'en remettre à cette chose-là, mais il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Tout simplement, il a entendu cette bonne parole, ou etc. Il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Et yursin al-dhan billah Azza wa Jal. Taïb, mais la yartamid ala dashi. C'est-à-dire qu'il ne s'en remet pas à cette chose qu'il a entendue. Et qu'automatiquement, il va arriver le bien, vu qu'il a entendu cette chose-là. Kulli shay'in qadarillah Azza wa Jal. Taïb, lakin, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'optimisme. Au contraire, ce qui va nous arrêter, ou alors nous faire continuer notre action. Comme par exemple le mauvais présage. Si par exemple on ne voit pas le mauvais présage, alors on va continuer notre action. Si on voit quelque chose qui est le mauvais présage, on arrête notre action. Ici, en réalité, il va automatiquement avoir yatimad al-qalb al-adashi. C'est-à-dire que le cœur, il va, lui, s'en remettre à cette chose-là. Donc il y a bien une différence ici. On a vu que dans le premier cas, ce qu'aimait le prophète sallam al-fal, le cœur, il ne s'en remet pas à cette chose-là. Mais c'est pour lui comme une bishara, comme une bonne annonce. Et donc il va être optimiste. Mais il sait ce qui va lui arriver, ça reviendra à Allah Azzawajal. Par contre, le reste, non. Le reste, automatiquement, ils vont dire, Ashab al-Tiyara, ceux donc qui sont tombés dans le mauvais présage, etc., ils vont dire, il va arriver automatiquement un malheur. Yasu'adhan billah. Taïb, ils vont donc, ils devancent ce qui va arriver, de par sa pensée. Ayadhan billah. Ada wa shirk. Et ça, c'est le qalb. Yartamid al-Ada. On avait dit au départ, c'était bel et bien un acte du cœur. On va citer également un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith lui authentique également, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Nasa'i, l'imam ibn Majah. Et pourquoi on va citer ce hadith? Tout simplement pour comprendre et pour ne pas qu'il y ait iltibas al-ikhwan al-akhawat, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas donc un laps par rapport aux frères, par rapport aux sœurs qui ne comprendraient pas en réalité ce hadith s'ils y tombent dessous, s'ils entendent ce hadith par rapport à ce qu'ils ont étudié, par rapport aux mauvais présages. Ce hadith, c'est le suivant. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والدار. الشؤم donc qui vient du terme التشاؤم, qui en réalité à l'origine الشؤم, donc qui est l'infortune, qui en réalité l'infortune. Et le fait ici, pour bien que l'on comprenne, le fait donc que l'on, lorsqu'on va voir une chose qui va pas nous inspirer une chose de bien, et dont on va s'en écarter. Et le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce sens, il nous dit الشؤم في ثلاث, dans trois choses. Dans la femme, fil mar'a, dans la femme. Ensuite, waddaba, c'est-à-dire donc, addaba, la monture. Et ensuite, waddar, et ensuite donc la maison. Et on va comprendre donc ce terme choum, c'est tout simplement se sentir mal à l'aise en la présence de cette chose. Ou alors de cette personne, pour ce qui est de la femme. Et ce qui va en fait faire fuir la personne, qui ne donne pas envie de s'en approcher. Par exemple, si la personne, ça peut arriver, si la personne elle veut se marier avec une femme, il se peut qu'il voit en elle des choses qui ne vont pas ressentir bien dans son cœur. Des choses qui vont éloigner cette personne. Donc il va être dans un sens pessimiste par rapport à cette personne même. On dit bien par rapport à cette personne même. Taïb. Et donc il va s'en écarter. De même par rapport à Dabba, même par rapport à la monture. On pourrait dire de nos jours la monture, bien entendu, une voiture. La personne qui va acheter une voiture, il ne ressent pas cette voiture. C'est-à-dire que, même s'il la voit en bon état, il y a quelque chose qui lui dit qu'il ressent que cette voiture, elle n'est pas peut-être pour lui. Comment dire? Il est pessimiste par rapport à cette voiture. Taïb. De même pour ce qui est d'art, de même pour ce qui est par exemple une maison. Si par exemple la personne veut habiter dans une maison, ou quoi que ce soit. Donc le prophète Sami nous dit que cela est bel et bien présent dans ces trois choses. Al-mar'a, wa-dabba, wa-dar. Et en réalité, Ibn al-Qayyim, il va nous expliquer cela. Il va nous expliquer ce hadith. Pour nous faire comprendre que ça n'a rien à voir avec le tiyara ici, ça n'a rien à voir avec le mauvais présage. Nam yaqul, rahimahullah, wallahu subhana, donc Allah azza wa jalla trahu, khaliqul khayr wa shar. Allah azza wa jalla, c'est lui donc qui est le créateur du bien et du mal. Wa su'ud wa nuhus. Et donc de ce qui est donc source de bonheur, et ce qui est source donc de malheur et d'infortune. Su'ud wa nuhus. Fa yakhluq ba'du hadhi al-a'yan. C'est-à-dire qu'il va créer Allah Azza wa Jalla certaines choses qui en réalité apportent la bénédiction. C'est-à-dire donc, il va nous dire qu'Allah Azza wa Jalla, de par cette chose ou de par cette personne, la personne va devenir joyeuse. Et elle va acquérir une baraka. Taïb, ça c'est Allah Azza wa Jalla qui a créé comme ça. Wa yakhluq ba'daha nuhusan. Et bien au contraire, Allah Azza wa Jalla crée des choses ou des personnes que lorsqu'on s'en approche, il nous arrive des choses qui ne sont pas, qui sont néfastes pour nous ou autres. Et tout cela donc, c'est de par la prédestination d'Allah Azza wa Jalla et de par donc ce qu'il va appliquer dans ce cône, de par sa justice. وكما خلق سير الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة. C'est-à-dire également comme il a créé toutes choses et comme il a créé donc toutes les causes et qu'il les a reliées entre eux, les causes, c'est-à-dire les causes à effet, etc. C'est tout. Qu'Allah عز وجل donc il a créé كما خلق المسك وغيرها من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارب من الناس. Comme Allah سبحانه وتعالى donc il a créé le musc et d'autres encore parmi les bonnes odeurs. Et donc ceux qui vont s'en approcher, ils vont automatiquement en jouir. Et également donc la personne qui va sentir bon, etc., et qu'on va sentir en lui, automatiquement, c'est-à-dire que cela donc va apporter une jouissance auprès de la personne, et ça va ouvrir le cœur, etc. Donc tout ça c'est des asbab. Et au contraire, Allah Azza wa Jalla également il a créé ce qui est le contraire. Il va le placer donc comme une cause donc de mal de ceux qui vont s'approcher de ces gens. Ou autre. C'est-à-dire donc, c'est les différences qu'il y a entre ces deux choses, c'est des choses qu'on ressent donc de par nos sens. فَكَذَلِكَ فِي الدِّيَارِ وَالنِّسَاءِ وَالْخَيْرِ فَهَذَا لَوْنٌ وَالطِّيَارَةُ الشِّرْكِيَةُ لَوْنٌ. C'est-à-dire de même pour ce qui est donc par rapport donc l'habitation, par rapport donc aux femmes, par rapport également al khayr, par rapport donc aux animaux et les montures de façon donc générale. Hada lawn, c'est-à-dire ça c'est une chose, c'est une catégorie de choses. Tayyib. Par contre, pour ce qui est du tayara, parce qu'il y a de la mauvaise augure, c'est autre chose. Ça rentre dans le shirk et c'est une autre catégorie totalement différente. Donc la personne, lorsqu'elle ne va pas vouloir habiter dans une habitation, parce qu'elle ne ressent pas, ou alors dans cette habitation, elle ressent qu'il y a des mauvaises choses qui lui arrivent lorsqu'elle est dans cette habitation. Taïb, ça c'est comme un sabab. Ça c'est comme un sabab. Elle sait qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui a créé donc cela. Et c'est lui qui a fait qu'il arrive des mauvaises choses donc de par cette habitation. Ou également, par exemple, par rapport à une femme. Une personne se marie avec une femme, et le fait qu'il se marie avec cette femme, il lui arrive des choses qui ne sont pas bonnes dans sa vie. De même, par rapport à la monture. Donc Allah Azzawajal, comme il l'a expliqué, Ibn Qayyim, il va créer des choses, taïb, et par rapport à ces choses, il va les placer comme un sabab, fil khair, fil baraka, dans le bien, dans la bénédiction, et il va créer également des choses qui sont contraires, des choses qui sont des sababs dans l'apport de problèmes, etc. Taïb, donc, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, achoum fil thalath, fil mar'a wa dabba wa dar, c'est bel et bien un hadith que l'on va comprendre suivant notre croyance, la croyance du monothéiste, et qui n'a rien à voir donc avec Tiyara, comme nous expliquait Ibn al-Qayyim, qui revient bel et bien donc à notre croyance. Donc ça également, on l'a cité pour que ce soit clair par rapport à ce hadith et par rapport donc à ce qu'on a cité auparavant. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.